Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur l'antenne de Radio Gamozo avec Antoine ce soir pour une nouvelle émission de Ce qu'il faut savoir. Alors ce soir une petite émission sur les impôts, c'est pas ce que j'avais prévu de faire, mais vu qu'on parle plus que de ça depuis... Oh non, c'est pas les vrais complots, je l'ai annoncé en plus il y a quelques minutes à l'antenne. Ah non, mais j'ai changé, je la ferai là. Non. Ouais. C'est un complot. Ouais, non, en effet, c'est un complot. C'est un complot. Ouais. En fait, avec tout ce qui se passe depuis presque un mois, là. Oui, les gilets jaunes. Voilà, on vit un événement complètement inattendu, il faut bien le dire. À tel point que ça nous apprend deux choses. Je vais peut-être dissiper, mais ça nous apprend deux choses, qu'on vit une crise... démocratique, on peut le dire, mais surtout une crise du consentement à l'impôt. Ouais. Oui. Non, en fait, Mika essaie de me dire quelque chose, au moins que les auditeurs sachent ce qui se passe. Mika me fait des signes par la vitre, je ne comprends pas. Alors je lui fais signe de prendre son petit téléphone, parce que, en tout cas, moi, ça ne me dérange pas de faire plusieurs choses en même temps. Ah ouais, d'accord. Ouais. Pour me dire ce qu'il veut, parce que je ne comprends pas. Oui, Mika, ton micro est allumé. L'émission sur les gilets jaunes, c'est vrai. Mais pourquoi tu prends pas la parole, Mika? Vas-y, comme ça on passera tout de suite à l'émission. Mais justement, c'est un rapport avec l'émission, mais je voulais pas te couper, Antoine, parce que comme c'est le thème du jour, Lou a reçu hier les gilets jaunes. Voilà. Oui, ben effectivement, parce que dans les médias, ils préfèrent les recevoir les experts plutôt. Hein. Oui, bah oui, forcément, les experts et les personnes peuple, qui sont en costume cravate. Voilà, on parle de la crise de la démocratie, mais c'est aussi une crise du journalisme. Hein, parce que moi, je connais une journaliste, elle m'a dit qu'ils n'étaient pas très bien accueillis hein, dans les Vosges et puis ailleurs aussi, je pense. Bah, je sais pas, dans tous les cas, c'est que l'émission d'hier s'est très bien passée. Nous, on a été bien accueillis parce qu'on est allé les voir. Quand ils sont arrivés ici, ça s'est très bien passé, ils étaient très contents. Bon, c'était le bazar, ils étaient 9 en studio, j'avais Lissigno à côté de moi, donc on avait un micro pour deux. Mais c'était une émission très conviviale et ils retournent en débat des hauts jeudi. C'est dommage parce que j'estimais que j'avais pas fini le sujet. On verra ce qu'ils disent jeudi et s'ils n'ont pas fini de faire le tour de la question, ils reviendront chez moi et je continuerai à leur poser des questions. Mais c'est vrai que parmi les revendications, je crois, il y a l'arrêt de l'impôt à la source. Et justement, on parle d'impôt, donc c'est le sujet de ton émission de ce soir. Oui, parce que le problème de ce genre de mouvement, c'est qu'ils disent qu'ils ne sont pas politisés, mais faire de la politique, ça va être politisé, ça peut être un peu étrange, je trouve. Hein. Alors, il y a un autre mot, une expression qui est revenue aussi, c'est l'expression corps intermédiaire, dont on a pu parler. Mais il y a un autre mot aussi qui est revenu à la mode, le mot jacquerie. Alors, tu sais d'où ça vient exactement ce mot ? Redis voir le mot. Jacquerie. Moi, Jacquerie. ça me fait penser au bouquin Jacou le croquant. Ça a un lien avec ouais, ça. Oui, c'est ça. Il ouais. Y a aussi faire le Jacques, celui qui fait semblant de rien comprendre. Pourquoi tu me regardes ? Non, mais c'est ce que tu faisais avant. C'est pour oui, ça. Je sais. Non, mais j'ai des souvenirs de Jacou le croquant. Là, étant enfant, ça m'avait scié. Le film que j'avais vu m'avait beaucoup marqué. Oui, il y a le livre aussi. Hein, oui. Il est bien. Hmm. Alors, c'est une référence à la grande jacquerie qui a débuté on n'est pas sûr de la date, ça serait le 28 mai 1358, et qui a embrasé à l'époque, parce que je ne sais pas si on peut parler vraiment de France, à cette époque-là, il y a toujours un débat sur les historiens pour dire à quelle époque la France est constituée ou pas. On va dire que c'était déjà la France à cette époque-là, qui était... mené par un certain Guillaume Carl, qui est aussi Jacques Bonhomme. Je crois qu'il finira mal d'ailleurs, pendu. Est-ce que tu sais d'où vient le terme Jacques ? Tu vois, c'est un petit rapport avec les gilets jaunes quand même. Ben non. En fait, ça vient d'une chemise. Ah d'accord, oui. Une chemise jaune ? Non, mais à manche courte. Ah d'accord, comme gilet, jaquette. Enfin, jaquette en anglais, c'est ça ? Je sais plus, peut-être bien. On essaie de trouver des des liens avec les langues, parce que oui, t'as parlé de t'as parlé de France, mais on parle pas trop des langues et des liens qu'il y a entre eux. Si ça vous intéresse de parler avec moi de proto-langage d'indo-européen, j'ai un peu étudié, je serais pas mécontent de me replonger dans les cours, mais oui, tu parlais de oui Jacques par rapport à un gilet à manches courtes, c'est voilà, ça. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est une révolte qui va embraser tout le nord de la France, de la Champagne jusqu'à la Normandie. Donc la Lorraine faisait pas partie de la France à cette époque-là. C'était quand ? 1358. Ah oui, oui. Alors, plus près de nous, en fait, ce qu'on a vécu récemment, c'est assez exceptionnel, parce qu'on n'avait pas vu ça depuis pas mal de temps. Hein. On va dire depuis... Puis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en fait, il y a eu deux grands mouvements de révolte fiscale. Alors, il y en a peut-être un que tu connais, Gérard Nicou, ça dit quelque chose ? Non, oui. C'était des petits commerçants. Mais je crois qu'il est encore vivant, lui, par contre. Enfin, c'était déjà une révolte à l'époque contre le trône fiscal. Alors, lui, il pensait qu'il était coincé entre le capitalisme et le communisme, entre le magasin d'État et la grande surface. Mais le mouvement, certainement le plus connu, c'est celui de Pierre Poujade. Donc, il a donné le terme poujadiste. C'est un mouvement qui était né en 53 dans le Lot, un tout petit village. En fait, je crois qu'ils avaient, ils s'étaient opposés à venu d'un contrôleur fiscal. Et l'intérêt, ce qui est assez étonnant avec ce mouvement, c'est que ça s'est étendu sur la France entière après. En fait, c'était beaucoup des petits commerçants. Hein. Donc le terme poujadisme est souvent invoqué, associé ou on va dire aux deux, réactionnaires et petits commerçants. Et là, c'était quelle époque ? Ça, c'était les années 50. En fait, ce qui est intéressant avec Poujade, c'est qu'il a fondé un mouvement qui s'est présenté aux législatives en 56 et ils avaient recueilli, je crois, 12% des voix. Ils avaient eu plus de 50 députés. En fait, c'était balayé avec l'arrivée du général de Gaulle. Général de Gaulle, qui est une figure quand même assez, assez forte dans la politique française, je pense que c'est important de le rappeler. Voilà. Bah lui, il luttait contre le fiscalisme, et puis il avait une autre formule aussi, je ne sais plus. Bon, on pourrait dire, c'était une figure assez controversée. Alors, question impôt, on pourrait faire un petit retour en arrière, assez loin dans le temps. C'est ça qui est bien dans ton émission, c'est que tu vas très loin, et on s'aperçoit encore une fois, moi c'est ce qui me surprend à chaque coup, c'est que mais finalement les problèmes d'hier sont encore exactement, les problèmes d'aujourd'hui, ouais. Malgré la modernisation. Mais là c'est peut-être encore plus que tu crois, mais parce que là j'ai parlé des mouvements antifiscaux, mais tu vois qu'en fait il y a une vraie raison, c'est vraiment spécifique à la France. Alors, est-ce que tu connais le premier impôt ? On va dire le premier impôt royal, plutôt que français. Le bol ? C'est pas le bol ? Le bol ? Le bol ? Le ? Le bol, ça veut... Le bol ? Oui. Non, ça me dit rien, le bol. Sérieux. En fait, c'est un impôt qui était dû à Louis VII. Pour financer la deuxième croisade. Et c'est un impôt qui s'appelait le 20e. Alors je te laisse deviner pourquoi. Non. Petite idée ? Non, je ne sais pas trop là. Parce que Mika me fait encore des voilà, signes, il est fatigant. C'était le 20e, le 20e des revenus perçus. Ah d'accord. Qui était suivi par la suite, toujours pour une croisade, par un impôt prélevé par Philippe Auguste en 1188 et qui s'appelait le dixième. Donc, pour le dixième des revenus. D'accord. Et ça, on peut dire... avant de continuer, une petite question. Vous connaissez la différence entre les impôts directs et indirects ? Pas vraiment. Non. Non, mais ça, c'est... Enfin, il y en a beaucoup qui parlent d'impôts, mais quand on pose des questions simples comme ça, on s'aperçoit que généralement, les gens n'arrivent pas toujours à répondre. En fait, les impôts directs, c'est tous les impôts que tu peux pas y échapper. Oui. Donc impôt sur le revenu, taxe foncière, en gros. Oui, en fait, c'est un impôt. En gros, on pourrait dire que tous les impôts directs, c'est les impôts que tu vas, qui sont pas obligatoires, mais que tu payes quand même. Ça, on va dire, c'est plutôt, ça serait plutôt les taxes hein, en général. Ah, je vais revenir un petit peu en arrière aussi. Je voulais parler aussi de, parce que ça me semble important de faire un petit retour en arrière avec l'ancien régime. J'ai amené quelques bouquins quand même, un bouquin qui parle de la vie de nos ancêtres. Alors pour parler des impôts, j'ai commencé à lire un petit bout d'article. Dans chaque seigneurie, en dehors des terres réservées aux seigneurs, le jardin seigneurial, les terres d'accès défendues que l'on défend, des eaux, des pâturages et des bois mis à disposition de tous par le seigneur, chaque paysan reçoit quelques parcelles de terre arables. Quelques sillons de champs, une unité d'exploitation à l'échelle d'une famille qu'on appelle la manse, ou la manse plutôt. Cette manse est à l'origine des mets qu'on trouve dans la langue d'Oïde. Donc il y a quand même quelques mets dans le coin. Hein. Oui. Donc vous saurez que ça vient d'une mansarde. Hein. Enfin, la manse, je pense que ça a donné la mansarde par la suite. Alors ces manses sont de simples tenures, c'est-à-dire des terres concédées contre des redevances à la fois en argent. Quelques sous ou deniers par an, en nature, essentiellement des volailles, et en service avec les corvées en tout genre. Donc c'est les impôts, on va dire, indirects, ou directs aussi, avec les fameuses corvées que je pense que tu as appris ça à l'école aussi. Comme tout le monde. J'ai surtout fait l'école buissonnière. Alors. Ah bon. Donc dans les corvées, il y a beaucoup de corvées... En service, parce qu'il faut dire qu'à l'époque-là, faut toujours rappeler, c'est que l'argent, il n'y en avait pas beaucoup qui circulait. Hein. Donc, les paysans étaient obligés de payer de la sorte. Donc, on fait des travaux de tout genre, dont fauchage, fenaison, charroi, abattage de bois, ou entretien des fossés du château, tour de guet ou encore corvée nuit. Ça, c'est les impôts. C'est des impôts seigneuriaux, mais il y en avait encore d'autres. Parce que tu as peut-être entendu parler des banalités. Banalités ? Oui, des banalités. Tu connais pas publier les bancs ? Si. Ou la banlieue ? Si. Voilà. Ça vient de... Ah, en fait, c'était un peu la loi qui était... Le registre de la loi qui était trouvé dans chaque seigneurie. En fait, dans chaque banc... Tu pouvais aller presser ton huile, en fait, tu pouvais faire ton pain. En fait, c'était obligatoire pour les paysans. Ils ne pouvaient pas y échapper. Ils sont obligés de payer avec en espèces, avec ce qu'ils avaient. Donc, c'est aussi une forme d'impôt. Et est-ce que vous connaissez aussi d'autres exemples d'impôts sous l'Ancien Régime ? Pas vraiment, non. J'ai pas vraiment, en ce qui me concerne, fait un petit peu l'histoire de l'économie. Ah bah, il y a peut-être un que tu connais. Enfin, c'est un impôt assez mineur, mais quand tu vas à Armémont, tu passes à un rond-point. Il y en a qui s'appelle le péage. Non, ah non. L'octroi. Ah oui, ce nom-là. C'est cet endroit que j'appelle éco-quartier. Voilà. Pour les impôts, alors, il y en avait certains qui s'appelaient les aides. Ok, c'est, on va dire, assez mal nommé. Il y avait des aides royales. Donc, c'est sur un tas de choses. Alors, sur les boissons et les aliments, donc le plus connu de tous, je pense que ça peut-être une idée. Le plus connu de tous les impôts de l'Ancien Régime. L'aliment le plus taxé ? Le plus connu. Le plus connu, le pain ? Non, la gabelle. Il parle de la monnaie. Ah oui. C'était un impôt, oui. Parce que je parle d'impôts qui s'appelaient les aides. Tu avais les aides royales, donc, sur les boissons et les aliments, dont de la gabelle. Certains autres sur les transports et certains sur les produits non alimentaires. Et tu avais aussi des aides seigneuriales. Donc, qui pouvaient servir... en fait, les aides, c'est des impôts. Comme pour la grande gentrie de 1358, en fait, le roi de France avait été fait prisonnier par les Anglais. Donc il a fallu payer la rançon. C'était la plus grosse raison de la révolte. Il y avait d'autres faits assez mineurs. Cet impôt, levé de manière exceptionnelle, ça s'appelait une aide royale aussi. Alors, il y avait les aides seigneuriales aussi. Alors que le fils du seigneur devenait chevalier, on mettait les paysans en contribution pour la dot de la fille, ou aussi pour le mariage, ou encore pour les rançons, comme quand le roi était fait prisonnier. Alors, est-ce que tu connais l'impôt, le plus emblématique maintenant de l'Ancien Régime? Oh là là. C'est toujours terrible dans ton émission, j'ai l'impression de justement retourner à l'école, et comme je n'ai pas réalisé... Non, mais j'en profite aussi pour me dire votre culture générale. Ah bah là, c'est proche du néant. Hein. Je vous ferai un peu de lecture. Mais là, je pense que ça vaut le coup. Hein. Alors, c'est un document qui a été retrouvé dans les archives départementales du département des Yvelines. Ça se passe en Cormeil-en-Vexin. Les Yvelines, c'est au sud, et Cormeil-en-Vexin, par contre, c'est au nord de Paris. Et ça rencontre la collecte de la taille. Donc, c'est le fameux impôt dont je te parlais. Alors, ça se passe en 1692. Alors, c'est extrait d'un livre qui s'appelle « Qui étaient nos ancêtres ?» Jacques Beauquarneau, je ne sais pas si tu connais. Il est généalogiste, on le voit souvent dans la presse. Alors, il raconte la perception de la taille. Alors, comme chaque année, le premier dimanche d'octobre, après la grand-messe, la communauté villageoise est réunie au son de la cloche, sous le porche de l'église paroissiale, pour désigner les personnes qui seront chargées de l'opération. Il en va ainsi partout dans le royaume. Ce même dimanche, faute de quoi les collecteurs se voient désignés d'office, souvent au hasard, avec risque de savoir confier cette mission, à des gens parfaitement incapables de s'en acquitter. L'assemblée est évidemment masculine. Les chefs de famille doivent nommer 6 collecteurs choisis par les hommes de moins de 70 ans, non infirmes, pères de moins de 8 enfants, n'exerçant pas de fonction publique telles que notaire, sacristain ou maître d'école, et n'ayant pas été chargés de cette collecte au cours de l'une des 3 années précédentes. On pourrait imaginer que cette tâche est recherchée. En fait, on va le voir, elle est tout sauf un honneur et une sinécure, c'est le moins qu'on puisse dire. Au préalable, le pouvoir central avait commencé par répartir l'impôt entre les différentes provinces et États. Il avait ainsi cette année-là porté à 119 340 livres à la contribution de l'élection de Pontoise à l'effort fiscal national, laissant aux responsables du bureau de la dite élection le soin de définir à leur tour la quote-part de chaque paroisse. Ces derniers avaient donc fixé celle de Cormeil à la somme de 1680 livres, une somme rondelette qu'on appréciera mieux à la lumière des faits qui vont suivre. L'annonce de cette donnée n'a pas de nature à encourager les vocations. Les collecteurs sont en effet responsables de la bonne rentrée de l'impôt, et dans le cas où ils ne pourraient pas faire entrer la somme fixée, ils se verront comptables des manques sur leurs deniers et biens personnels qui pourront être saisis et eux-mêmes se voir tout simplement emprisonnés. On ne saurait s'étonner dès lors du manque d'enthousiasme général. Qui veut cueillir nos tailles? Personne ne se présente, c'est Martin Bernard qui va accepter de s'en charger pour la 3e année consécutive, à condition que l'on fasse crier, c'est-à-dire publier, que ceux qui ne paieront pas avant telle date auront une amende d'un sol par livre, soit un réchaud supplémentaire de 5%. En cette année 1692 à Cormeil, la situation se présente d'autant plus mal que l'année précédente était calamiteuse au plan agricole. La nielle, une plante parasitaire, a rendu la paille noire et les grains petits et laids. 6 hommes sont donc désignés. Il s'agit de François Lepic, un hôtelier marchand de bois, homme riche qui l'année précédente avait été imposé à hauteur de 40 livres, soit en gros l'équivalent de 2 mois de salaire d'un bon journalier, de Jean Poyer, laboureurs aisés qui avaient payé 30 livres, et de 4 manouvriers pauvres vivant du travail de leurs bras, imposés quant à eux respectivement 2, 2 hauteurs de 10 livres, 1 pour 7 et l'autre, plus modeste encore, pour la somme de 3 livres 5 sols. La première tâche est de ventiler la somme totale entre les contribuables au prorata des possibilités matérielles de chacun. Ce que font sans doute ceux qu'ils peuvent, deux d'entre eux, il faut le souligner, sont incapables de signer et ne savent sans doute pas lire. Ils procèdent certainement à la taille du rôle de l'année passée, dont ils doivent cependant retirer les impôts défunts ou ayant quitté la paroisse. Les imposés, pardon. Pour y ajouter de nouveaux venus. Pour quatrier, comme la veuve Quentin, partie pour chercher la vie, 9 sont ajoutés, ce qui porte à 209 le nombre de feux imposables dans la paroisse. De ces 209, ils en retirent 5, qui sont exemptés selon les principes énoncés. Le curé, son vicaire, et l'instituteur, ainsi que deux personnes ayant pu prouver leur naissance noble qui les en faisaient exempter. De ce fait, si la somme exigée a augmenté de près de 3% par rapport à l'année précédente, alors que les affaires étaient mauvaises, elles sont par ailleurs hypothéquées de 200 livres qui doivent être remboursées à l'un des deux nobles qui avait dû indûment les payer l'année dernière, faute d'avoir pu en prouver son exemption. Injuste ? Non, logique. Levée essentiellement pour le financement des guerres, la taille n'avait aucune raison de peser sur la noblesse dont le métier était justement de faire la guerre, ni sur le clergé dont la vocation était au contraire de ne pas la faire. En fait, cet impôt en un temps où l'armée était une armée de métier composée de mercenaires équivalait à une sorte de rachat d'obligations militaires qui aurait dû logiquement peser sur nos ancêtres du tiers-état. Donc, je passe un peu, reste le salaire, la rémunération du temps qu'ils passeront à acquérir l'impôt de ferme en ferme, tant qu'il sera pour chacun d'eux un temps mort et donc un manque à gagner. La question est prévue. Ils reçoivent une indemnité qu'ils fixent librement eux-mêmes et arrêtent à 117 livres, soit moins de 20 par personne, sans oublier 58 livres et 10 sols pour le greffier des rôles. Une fois l'impôt reparti, ils doivent en effet faire contrôler le rôle obtenu par l'élection, ce qui est fait le 17 décembre, jour où le conseil du roi, lieutenant civil et criminel de l'élection de Pontoise, rend le dit rôle exécutoire. La collecte peut commencer. Donc, l'opération promet d'être longue. Dans un premier temps, les collecteurs attendent chaque dimanche matin les imposés au pied de la croix du cimetière. Rares sont ceux qui viennent au rendez-vous. Encore ne versent-ils pas le plus souvent que des acomptes. Rapidement, on prend du retard, hein, il n'y a pas d'autre solution que d'aller réclamer le solde sur place, ce que nos hommes font toujours ensemble, sachant qu'il risque d'être formal reçu, injurié, sinon plus. Donc, le 23 avril 1693, François Lepic, collecteur porte-bourse, marchant en tête, ils arrivent ainsi à la ferme du château, chez André Sevestre, lequel, n'ayant encore versé qu'un acompte de 65 livres, en doit donc encore 195. Le dernier délai fixé au 1er avril est passé de 3 semaines. Pour les raisons que l'on sait, les collecteurs ne peuvent fléchir. Rapidement, le ton monte. Le dit Sevestre, sa femme et son père et sa servante les auraient traités de fripons, de bourgs, de gens fous, de banqueroutiers et de plusieurs autres injures. Rien ne va plus. Les collecteurs s'en vont en saisissant deux vaches attachées dans la ferme de la cour. Voyant cela, Sevestre leur court après, suivi de toute la maison. Tous réitèrent leur injure. Sevestre aurait donc pris le dit Lepic à la gorge, l'aurait jeté par terre, traîné dans l'eau et dans la boue, donné des coups de pied de poing, arraché plusieurs poignées de cheveux et souillé dans l'eau et la boue le rôle des tailles. Donc c'était le registre. Qu'il lui aurait ôté de force, et Sevestre, évidemment, de regagner sa maison avec ses vaches. La justice est saisie pendant que le tribunal de l'élection recevra aussi une quête d'Antoine Caffin, donc un autre contributeur, qui réussira à faire déduire son impôt de 600 à 380 livres. Tout le monde s'en sortira, mais l'affaire, c'est un lapsus assez bien institué, je puis dire, semble avoir duré longtemps. Cet exemple est en tout cas parfaitement représentatif. Il était rarissime que la taille puisse rentrer en moins d'un an. Sans doute, huissiers et sergents étaient-ils intervenus aux frais de l'élection et des manquants à l'encontre de ces taillables de situations de difficiles discussions. À moins qu'il y eût fallu passer encore par la solution la plus forte, avec l'envoi sur place d'un sergent armé d'archers et de fusillés. On sonnait alors à nouveau les cloches, et après que l'on eut lu à haute voix les rôles défaillants, un homme d'arbre était mis en garnison chez les récalcitrants à raison d'une somme de 30 sols par jour incombant à leur charge. Voilà, c'était le... je ne sais pas si tu as tout écouté. C'était quand même assez inquiétant, là. Enfin, c'est impressionnant la collecte de la taille à cette époque. Hein. C'était assez risqué. Hein. En effet. On se fait une petite pause musicale ? Voilà. Alors, tu as proposé le thème de Camille par Georges Delerue. Oui, si je ne me trompe pas. Alors, on s'écoute ça et on se retrouve juste après. Vous êtes, vous êtes toujours de radio. Et oui, retour sur Radio Gamozo, on parle d'impôts. Voilà. Oui, il y a un impôt que j'avais oublié aussi, c'est l'impôt sur les successions, parce qu'il existait aussi à l'époque. Ah, tu sais comment ça s'appelait ? J'ai pas compris sur quoi, alors tu sais. L'impôt sur les successions sous l'ancien régime. Ben non. J'avais parlé des manses tout à l'heure. En fait, le paysan reste toute sa vie, sauf le jour où il meurt. Et donc, pour celui qui lui succède, son fils, il est obligé de payer une somme très importante. Et tu sais comment on appelait ça ? Est-ce qu'il y a une racine, par rapport à la racine du mot, c'est trouvable ? C'est lié à une expression actuelle, qui est perdurée. Et par rapport aux paysans ? Oui. En fait, ça s'appelait la main morte. C'est quoi l'expression actuelle ? Bah, c'est de ne pas y aller de main morte. Oui, de ne pas y aller de main morte. Oui, d'accord. Oui. De ne pas y aller avec le dos de la cuillère, enfin bref, ou de ne pas se moucher du pied. En fait, c'était des droits. On peut dire appeler ça comme des droits de succession sous l'ancien régime, au niveau de la seigneurie. Alors, une autre petite information aussi, la taille, elle portait aussi un autre nom, le fouage. Alors, qui tenait son nom du feu, au sens de foyer. Donc c'est de là que vient l'expression foyer fiscal. Ça vous intéresse ce que je dis, quoi? Sinon, mais c'est juste que Mika a un appel pour, je crois, potentiellement une émission. J'encourage Mika vivement à décrocher. En plus, c'est pour samedi. Ça a l'air intéressant. D'accord. Bon, bah, j'en finirai là, si ça vous intéresse pas, l'ancien régime. Bah, disons que, tiens, ce serait intéressant. Qu'est-ce que tu définis par l'ancien régime? Parce que depuis tout à l'heure que tu parles de ça, je comprends pas trop ce que tu veux dire. Bah, là, tout ce qu'il y a en 1789. Ah, avant la Révolution française. Bah oui, ça s'appelle l'ancien régime. Non, c'est pas vrai, mais comme le disait si bien ma mamie, j'ai dormi depuis. Et puis après, je me suis pas axée sur l'histoire de France. Voilà. Alors forcément. En fait, avant, j'avais passé le. T'as reconnu le morceau quand même. Georges Delerue. Oui, le thème de Camille. Mika, ça dit quelque chose? C'est le mode original d'un film. Non, bah, tu connais. n'a pas l'air doué. En fait, c'était la bande originale du mépris. Voilà, tu... Ça te dit toujours rien. Le mépris, ça te fait penser à quelqu'un, peut-être. Actuellement? Oui. Oui, oui. Méprisant de la République, comme c'est son nouveau surnom. Ah, c'est bien trouvé, ça. J'aime bien. Méprisant de la République. Voilà, parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de mépris derrière tout ça. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est pas seulement les impôts, c'est aussi le mépris. Alors, pendant que notre cher président est en train de faire un discours l'autre fois, il paraît que le Sénat a adopté la nouvelle disposition de l'exit tax. Enfin, je pense que ça ne dit rien du tout, mais... En fait, c'est une imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile hors de France. Je crois que ça, c'est clair. Alors, c'est assez drôle parce que cet impôt a été créé par Sarkozy. Comme quoi. Et en fait, notre président trouve que ça, en fait, la France est pas assez, ça rend la France pas assez compétitive. Il y en a certains autres qui trouvent que ça ne rapporte pas assez. Que 50 malheureux millions. En fait, si l'impôt était vraiment développé, ça pourrait développer jusqu'à. On pourrait récolter jusqu'à 800 millions. Tu parles de fraude à l'impôt ou Non, s'il est, en fait, parce qu'il n'est pas assez développé, il n'y a pas assez de... On va dire que les contribuables qui s'en vont ne sont pas assez suivis. Ah, tu parles d'évasion fiscale. Voilà, en fait, il n'y a pas de volonté de développer cet impôt-là. Et donc ça, c'était pendant que notre président parlait. Alors, j'ai amené un peu la presse parce que j'ai vu qu'un journal assez subversif avait fait un article sur les impôts. J'ai trouvé que c'était pour une fois, enfin, c'est pas pour une fois, de temps en temps, les journalistes font à peu près correctement leur travail. Hein. Enfin, comme ils sont pas... Quel est ce journal subversif? Devine. Bouge matin. Oui, justement, j'allais dire, vu la tête, je reconnais un petit peu la mise en page et le je ne sais pas si tout le monde l'a lu. Alors là, je vais interroger votre connaissance en matière d'impôt. Vous connaissez quoi comme impôt, alors? Oh purée. L'impôt sur le revenu, comme je te l'ai dit, la taxe foncière. Et puis forcément, je connais un petit peu l'impôt suisse, vu qu'on est en train de parler, je crois, les gilets jaunes... L'impôt suisse? Non, mais c'est pas ça. Ça n'a rien à voir, mais je veux dire le prélèvement à la source qui se pratique en Suisse. Mais ça, Suisse. C'est pas un impôt, le prélèvement à la source. Non, c'est une manière de prélever l'impôt. Ou de prendre son impôt, enfin voilà. Mais l'impôt sur le revenu, quoi d'autre? Bah, je t'ai dit la taxe foncière. Ouais. La taxe d'habitation, donc, c'est peut-être la même chose. C'est ça, ouais. C'est l'impôt qui rapporte le plus. Ah, la taxe d'habitation? Non. C'est pas celui qui rapporte le plus, même de très loin. Hein. Quel est l'impôt qui peut rapporter le plus Bah, c'est pas l'impôt sur la fortune parce qu'il a été supprimé, je crois. Non, en fait, c'est pas un impôt qui rapporte beaucoup, l'ISF. Hein, mais c'est plus, on va dire, c'est le mode symbolique. Hein. En fait, l'impôt qui rapporte le plus, c'est la TVA. Ce qui est assez remarquable avec cet impôt, c'est que j'ai regardé depuis, en fait, on va dire, depuis 1971, il a quasiment pas bougé en pourcentage. Hein. Alors, c'est l'impôt qui rapporte le plus avec 171,3 milliards d'euros. Alors, la particularité de la TVA. Vas-y, parle, Antoine. J'en ai marre des questions. Pas du tout, Mais si, mais bon, je préfère que tu dises. Parce que tu sais bien comment que c'est. Après, on dit des bêtises. En fait, il y a plusieurs taux, la TVA. Tu te souviens des taux? Vas-y, dis. Bah, je connais le taux à 20%, le taux de base, du moins pour celui dont on fait nos courses. Il y a le taux à 10%, 5% et 2,1%. Ouais, donc, sur la presse, notamment, c'est à 2,1%. 5%, je crois, c'est pour les produits de nécessité, livres. Crois. Ah, les livres aussi. Oui, certains produits de nécessité, oui. Le ticket de ciné aussi. On peut vite parler des produits de nécessité, juste pour rappeler, bon, vous n'êtes pas trop concernée, mais en tant que femme, je suis plus trop concernée, mais ça c'est mon mode de vie, les produits d'hygiène féminine qui sont taxés à 20% alors qu'on n'a pas le choix en tant que femme. Je trouve ça encore aberrant, je trouve ça honteux, et il faut rappeler qu'on n'est pas une minorité, on est 52% de la population. Voilà, ça c'est la femme de l'émission qui se réveille. Antoine, tu peux continuer. Il y a le pinard qui est aussi à 20%. On ferait des manifs contre ça. Alors, autre impôt. Il nous en reste un encore au moins. Allez Mika, quand même on en a beaucoup parlé, celui-là aussi. Enfin, il y en a deux. Hein. La CSG, non, ça ne te dit rien. Ah si, je voulais le dire, mais bon, voilà. Il y en a un petit dernier aussi, je crois que c'est celui avec les CSG dont on a le plus parlé. Sur quel impôt, quel impôt? La taxe sur les produits pétroliers. Ah, sur le carburant. Voilà. Oui, donc ça en fait des... Ça en fait, effectivement. Ouais. Alors, parler aussi de ce qu'ils appellent les prélèvements obligatoires. Est-ce que tu saurais définir les prélèvements obligatoires? J'en ai parlé déjà depuis tout à l'heure. En fait, tu as les... Ah, il y a un auditeur qui nous appelle, peut-être. Ah, oui, justement, voilà. On a un auditeur qui nous appelle, qui est au téléphone avec nous. Il s'agit de François. Désolé, en fait, j'ai les deux en même temps là. J'ai le micro et le téléphone. Il veut parler avec nous. Non, mais je t'ai reconnu. Bon, je vous laisse parler. J'éteins à nouveau mon micro. Je retourne avec François, d'accord? Allô. Alors, oui, François, est-ce que tu peux réagir en direct? Non, mais attends, c'est pas encore. Peut-être qu'il réagira en direct, mais c'est pas encore sûr. Ah. Voilà, bon. Je crois que c'est bon. Ouais. Voilà. Voilà, oui. François, t'es à l'antenne. Alors oui, bon, donc, non, mais j'appelais à propos de la TVA, parce que la TVA, c'est l'impôt le plus... Pardon. Oui, allons-y, oui. Oui, la TVA, c'est l'impôt le plus injuste qui puisse exister, parce que c'est un impôt qui n'est pas du tout proportionnel par rapport aux revenus des gens, que tu sois très pauvre ou très riche, tu payes le même taux. Hein? Normalement, un impôt, si on voulait qu'il soit juste, il faudrait qu'il soit proportionnel aux revenus des gens. En effet. Hein? Déjà, ça, c'est une première chose. C'est même pire que ça. C'est ce qu'on appelle un impôt dégressif. C'est-à-dire que plus vous gagnez, plus vous avez de revenus, moins vous payez de TVA par rapport au revenu final. Oui, parce que on a beau être très riche, on n'achète pas 3 pains de beurre par jour, 15 tablettes de chocolat et 3 voitures par semaine, c'est sûr. Donc forcément, par rapport aux revenus, la part consacrée à la TVA, elle est considérable, surtout quand on a des faibles revenus. Alors, pour donner un exemple, la TVA, parce que ça, on a quand même dans le débat, l'INSEE découpe la population en 10 tranches. Alors ça, c'est la source, c'est le Conseil économique et social. Pour la tranche, on va dire, des Français les moins fortunés, la TVA, on va dire, à 20%, elle représente quand même 7% du budget. Tandis que la dernière des 4, c'est des plus riches, on va dire, elle ne représente que 3. Et la TVA à 10%, c'est, pour le premier des 4, c'est 1,1%, pour le dernier, c'est 0,4%. Et en fait, les autres taux de TVA, c'est exactement pareil. Et il faut donc remarquer que tes deux élèves ne savaient pas ce qu'était la TVA. Tu as eu bien du mal de parler de la TVA, parce que cet impôt-là, on n'en parle jamais. On fait très attention de ne pas en parler. Ah, c'est pas le seul. Alors que chaque fois qu'on va dans un magasin, on paye des impôts. Oui. Chaque fois qu'on achète quelque chose, on paye un impôt, on paye la TVA. C'est pas le seul l'impôt injuste, parce qu'il y a aussi la taxe d'habitation et puis la taxe foncière. Bien sûr. Parce que le... mais celui-là, il est particulièrement gênant parce qu'il est c'est sur loi. Hein, voilà. Bon, bah allez, bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Merci François. Bonne soirée François, merci pour ta contribution. Alors, je vais continuer toujours, je ne sais plus où j'en étais, avec la taxe d'habitation, la taxe foncière. Alors, le problème de ces deux impôts, c'est que la base, on va dire, locative, pour la taxe d'habitation, tu sais de quelle date, tu sais depuis quelle date, à quelle année on a mis le barème en place, qui n'a pas évolué depuis ? Non. 1970. Et tandis que la taxe foncière, c'est 1961, je crois. Ah oui, donc il est quand même temps de, comment dire, de remettre un petit peu à jour. C'est des impôts archaïques, en plus. Hein. Parce que quand vous discutez avec les gens qui viennent un peu de d'autres régions, vous vous rendez compte de disparité assez incroyable. Parce que j'ai entendu quelqu'un qui me disait que sa fille vivait à Aix-en-Provence, elle payait, je crois, les deux, 5000 euros de taxe foncière plus la taxe d'habitation. C'est énorme. Ah, c'est énorme, c'est un impôt qui est... Enfin, c'est l'impôt le plus injuste avec la TVA. On se fait une autre pause musicale encore ? Alors oui, tu as proposé Antisocial de Trust. Quoi de mieux ? En plus, là, je creuse un morceau que tout le monde connaît, du moins on espère, Mika. Alors on s'écoute Antisocial et on se retrouve juste après. We'll be right back. journal. Tu marchais la rambo dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, perdons les années de sévice. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Antisocial. Voilà, de retour sur Radio Gamozio pour la dernière partie de cette émission. Alors, j'ai parlé des impôts injustes, mais il y en a un, donc j'ai brièvement parlé tout à l'heure, c'est la CSG. Alors, c'est un impôt qui a été créé en 1990 par Yves Rocard, enfin, Michel Rocard, pardon, pas son père, hein. Et qu'on nous avait présenté à l'époque comme un impôt juste. Bon, le problème, c'est que, en fait, c'est un impôt, on va dire, assez vicieux. Tu sais pourquoi il est assez vicieux, cet impôt? Non. En fait, c'est présenté comme une cotisation sociale. Mais le problème, c'est que ce n'est pas vraiment une cotisation sociale, c'est un impôt. Et le problème, si tu retires les cotisations sociales du système, ça retire le pouvoir aussi... à ceux qui étaient censés gérer le système de sécurité sociale, donc en partie les syndicats. Et on peut se demander si ça n'a pas été fait exprès. Hein. Alors c'est un impôt aussi assez injuste, parce qu'il est comme les autres, proportionnel. Alors, un petit aparté, vous avez entendu parler de la flat tax, la taxe plate. Non, pas du tout. C'est le rêve de tous les libéraux, c'est-à-dire que c'est un impôt unique. C'est-à-dire que tout le monde paye le même impôt. Et il y a un peu de ça dans la CSG, puisque proportionnel, elle taxe à 9,2% tous les revenus d'activité les plus modestes aux plus élevés. Alors, avant que François appelle, je parlais des prélèvements obligatoires. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que les prélèvements obligatoires? Parce qu'on entend toujours parler de ça, mais en fait, j'ai remarqué que tout le monde n'était pas... C'est pas forcément ce qu'il y a dedans. Les prélèvements obligatoires, c'est sur le salaire? C'est les retenues, la différence entre le net et le brut? Non, les prélèvements obligatoires dans le PIB. Ah non, là, strictement pas. Tout ce qui concerne l'économie, tu peux me demander, c'est comme les matchs, une grande quiche. Hein. En fait, c'est les impôts directs et indirects et plus les cotisations sociales. Alors, il y a un impôt, on va dire un argument assez démagogique que l'on entend assez régulièrement, c'est de dire il y a trop de prélèvements obligatoires dans le système fiscal français. Il y a trop de prélèvements obligatoires. Parce que là, on arrive à 48% dans le PIB. Alors, ce qui laissera entendre qu'en fait, les impôts, ce serait un peu le tonneau des Dénaïdes. C'est-à-dire qu'on jetterait des grandes pelletées dedans, puis en fait, il n'y aura rien qui ressortirait. Alors, c'est ce qu'on entend assez généralement dans le discours de certains politiciens. Enfin, c'est complètement démagogue. Il y a même un qui a dit qu'il fallait ramener ça à 36%. Alors, pourquoi est-ce que c'est démagogue? J'ai parlé du prélèvement obligatoire en France, c'est 48%. Et aux États-Unis, est-ce que tu sais combien c'est? Non. En fait, c'est 26%. Je sais rien, en fait. En fait, c'est 26%. Mais la différence, c'est que là-bas, il n'y a pas de système de santé. On a vu tout ce qui s'est passé avec l'Obamacare, il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, elle a été éradiquée, dynamitée par Donald Trump. Je crois qu'il n'en aura pas la peau, de toute façon. Je sais juste qu'il a décidé d'y mettre fin. En fait, le système de santé américain est totalement privé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il n'est pas financé par les prélèvements obligatoires. Ce qui se passe, le poids de la santé aux États-Unis, c'est 15% du PIB, mais c'est il y a quelques années, l'OMS l'avait. C'est le record mondial, hein, 15%. Mais il y a quelques années, l'OMS avait classé le système de santé américain au 23e rang. C'est-à-dire que c'était le pire système de santé des pays de, on va dire, entre guillemets, développés. Alors, je parlais aussi de l'impôt qui aurait normalement le plus juste. C'est l'impôt sur le revenu. Alors, il faut savoir que c'est un impôt qui rapporte, on va dire, je crois, je ne sais plus, aux alentours de 18%. Oui. Alors que, par exemple, au Royaume-Uni, je crois que c'est 27%. Et, en fait, en France, on paye moins d'impôts sur le revenu que dans les autres pays européens. Même des pays les plus libéraux. C'est quand même assez étonnant, tu vas me dire. Pourriez me dire. En fait, c'est l'impôt le plus juste, mais on peut noter que, on va dire, depuis 8-10 ans, en fait, le prélèvement de l'impôt sur le revenu a beaucoup augmenté, mais uniquement sur certaines classes. Alors, c'est pas les classes modestes, elles payent beaucoup d'impôts, mais aussi les classes moyennes. Contrairement aux classes, on va dire, les plus favorisées, je parlais des décades de l'INSEE tout à l'heure. Ouais. Les 10% les plus riches, en fait, eux, ils peuvent échapper à une grande partie de l'impôt grâce à ce qu'on appelle les niches fiscales. Il y en a quand même beaucoup. Alors, d'après ce que j'ai lu dans la Républicain, ça coûterait quand même 99 milliards d'euros par an. Je n'ai pas trop besoin de prouver que, en fait, ce n'est pas les plus modestes qui bénéficient de ces niches fiscales. Pour améliorer cet impôt qui est passé de 13 tranches d'impôt sur le revenu à 7 en milieu des années 90, et puis maintenant la 4, ce qui est quand même réduit quand même beaucoup la progressivité de l'impôt, qui est un signe de justice sociale. Et son taux est passé de la dernière tranche de 63% à, je crois que c'est 45%. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que les riches sont bien avantagés. Alors, il nous reste un peu de temps encore. 3 minutes très exactement, vu que je rappelle, on a une autre émission qui commence à 20h pile. Voilà, donc, à quoi sert l'impôt ? À renflouer les caisses de l'État. Alors, les grands objectifs de l'impôt, premièrement. Enrichir l'État, le gouvernement ? Non. En fait, c'est financer l'action publique. Donc, l'impôt et les cotisations sociales, ils financent l'action publique et sociale, c'est-à-dire les services publics comme les écoles ou les hôpitaux, par exemple, la construction et l'entretien des infrastructures, des missions comme la sécurité, la formation, la redistribution sociale. Enfin, tu parles de public, mais il y a de plus en plus d'entreprises de base publique qui sont privatisées, même, je crois, l'hôpital, enfin, la Bisbee avec l'hôpital de Remiremont et d'Épinal. C'est pas une privatisation, c'est en fait, ils veulent le transférer. Et il y a une partie de... Si, il y a le ménage qui va être privatisé, les cuisines... La cuisine ne sera plus qu'à Épinal, enfin bref, c'est un gros bordel. En fait, c'est un des mystères actuels, parce que les prélèvements obligatoires augmentent, mais dans le même temps, on voit que les services publics se dégradent. Alors, c'est assez mystérieux. C'est une revendication, enfin, des critiques assez justifiées des Gilets jaunes, hein, de voir la disparition des services publics et voir les impôts augmenter. Enfin, comme je viens de le dire, pas pour tout le monde. Hein. Alors, je rappelle aussi que dans le même temps, il y a la dette publique, qui était le deuxième budget de l'État. Oui. Il y a encore 2-3 ans, c'était même passé la première partie du budget de l'État, devant l'éducation nationale. Là, ça s'est inversé. Ça coûte quand même presque, je crois que c'est 44 milliards d'euros par an. Alors, je te parlais de l'impôt, la première fonction, financer l'action publique. Il y a une deuxième, qui est corriger les inégalités économiques et sociales. Une minute, Antoine. Voilà. Je te rappelle. La dernière, je vais consacrer la dernière minute. Donc, l'impôt incitateur. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire, l'impôt incitateur? En fait, c'est une incitation fiscale. L'incitation fiscale est relativement simple à décrire dans son principe. Il s'agit de taxer plus fortement ou plus faiblement que le droit commun ne le prévoit. Alors, pourquoi faire? Par exemple, pour faire de l'écologie. Il y a quelques années, on avait la vignette automobile, qui était un impôt, on va dire, aussi injuste, mais au moins il avait l'avantage, c'est qu'il n'y avait pas de prolifération de 4x4 partout. Et normalement, cet impôt, il aurait dû servir, il pourrait servir aussi effectivement à l'écologie pour limiter la pollution. Mais en fait, on voit que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Voilà. Bon, je crois que c'est. Oui. On va arrêter là. Il nous reste 3 secondes. On n'a pas le temps de tout dire, mais ce sera pour une autre fois. Alors. On peut faire une deuxième édition. Merci Antoine et à la prochaine. Ciao.